L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Dehors, la lumière est écrasante, mais c'est avec des jeux d'ombre qu'on commence l'heure du loup. Bienvenue sur Osmose Radio, chers amis, et bienvenue dans votre playlist hebdomadaire de rock et de new wave, avec moi Stéphane, pour continuer cette soirée. Alors à l'instant, c'était donc Shadowplay du groupe Joy Division. Shadowplay, donc les jeux d'ombre, un extrait de l'album Unknown Pleasure qui était sorti en 1979 et dont c'était les 35 ans la semaine dernière. Ça a été l'occasion de quelques articles, notamment sur le net, et de revoir aussi la très belle pochette qu'avait faite Peter Saville à l'époque pour le groupe avant qu'un an plus tard, Ian Curtis tire sa révérence. Voilà un classique de la scène post-punk, un classique de la scène indépendante britannique, et c'est avec un groupe tout aussi britannique mais écossais celui-là qu'on va continuer, un groupe arrivé un petit peu plus tard sur la scène New Wave anglaise, le groupe Primal Scream avec le titre Swastika Eyes. L'envie vous prend de hurler quand vous écoutez l'heure du loup, mais je vous rassure, c'est normal. Un cri primaire, c'est tout à fait naturel quand on écoute Osmose Radio à l'écoute de ses playlists endiablées. C'était le cas notamment avec le groupe qu'on vient d'écouter, Primal Scream, avec le titre Swastika Ice. C'était un groupe qui s'est formé en 1982, des Écossais, comme je vous le disais tout à l'heure, mais là, c'est un morceau plus récent qu'on écoutait, un extrait de l'album Extrême Notre Demain. En fait, c'est une suite de consonnes sans aucune voyelle, donc c'est absolument imprononçable. Je vous l'écrirai, mais je ne saurais pas vous le dire, c'était sorti en 99. Voilà. Chers amis, désolé pour le petit retard avec lequel commence cette émission, et pour me faire pardonner, je vais faire un peu comme on a d'habitude, je vais vous présenter de l'ancien, et on va aussi vous proposer, se proposer d'écouter du nouveau. Et en l'occurrence, une nouveauté, c'est un festival qui aura lieu bientôt dans la région, le festival Glanum Rock. Comme son nom le laisse entendre, ce sera du côté de Glanum, donc du côté de Saint-Rémy de Provence. Alors, c'est un festival qui est organisé par l'association Metal Master, qui depuis une bonne dizaine d'années organise ce petit événement, modeste, mais toujours sympa et efficace, avec notamment des groupes de la région. Et d'habitude, ils font ça en août, mais cette année, ils ont décalé ça les vendredis 4 et samedi 5 juillet, je sais pas pourquoi, peu importe. D'habitude, ils font ça en plein air aussi, mais cette année, enfin depuis l'an dernier, Saint-Rémy-de-Provence a une réelle salle de concert, l'Alpilium en fait, un auditorium, et donc maintenant, ils organisent ça là-bas, dans de très bonnes conditions de son, en l'occurrence. Alors cette année ils auront la playlist n'est pas encore tout à fait fixée malheureusement, mais j'ai quand même quelques pistes à vous donner, notamment avec un groupe dont je vous avais déjà parlé parce qu'il est vraiment sympa, c'est Duck Explosion, un groupe qui cite comme influence autant le noise punk de Sonic Youth que le metal glam de Kiss, et qui se veut un mélange un peu de ces deux influences là. C'est plutôt réussi, et moi je vous propose d'écouter un deuxième extrait dans l'heure du loup de ces gens là qui sont de la région d'Avignon, Duck Explosion avec le titre The Insight. Yeah. like think to fight robot that will never mind the holy book, never mind the time it took, never mind the holy book, never mind the time it took. Blown, un morceau du groupe Sick, et s'est enchaîné juste avant avec Duck Explosion et le titre The Inside. Des canards qui explosent, Blown, donc une, le son d'une déflagration. C'est comme ça sur Osmose, on s'éclate, on vous passe du rock qui pète, et pourquoi pas après tout continuer comme ça. Vous êtes bien dans l'heure du lot sur Osmose Radio et on continue pour cette playlist rock et new wave avec un autre groupe qui sera à, au festival Le Glanum Rock ce week-end. C'est Sick, un groupe d'Aix-en-Provence qui, à l'instar de Duck Explosion qu'on écoutait juste avant, mélange relativement bien, à mon goût en tout cas, ce mélange punk rock, noise et metal que vous venez d'écouter. Voilà, ce sera donc vendredi 4 et samedi 5 à Saint-Rémy-de-Provence, si le cœur vous en dit, chers amis. Je fais des rimes pourries, mais c'est comme ça, c'est l'heure du loup. Alors, ensuite, on va aller, là c'était une actualité locale, on va aller vers une actualité un petit peu plus lointaine. C'est un groupe de goth metal belge, alors qui cache pas hein, son... comment dire, ces influences qui peuvent passer pour un peu commercial, notamment Evanescence ou bien encore The Birthday Massacre ou encore Marilyn Manson, un groupe qui s'appelle Lovelorn et dont je vous propose d'écouter un extrait tout de suite. For the kill, I want to have some fun before I Love Lorn Dolls. Tout à l'heure, j'ai amputé le nom du groupe, désolé, Love Lorn Dolls, avec le titre The Thrill. C'est sorti, donc c'est un extrait de l'EP, une actualité, vous disais-je, puisque l'EP est sorti avant-hier sur le label Alpha Matrix. C'est donc du goth metal belge qui s'inscrit donc sur cette scène parfois un petit peu convenue, mais sur laquelle on trouve de très bonnes choses. Et quand on les trouve, va-t-on se priver de les écouter? Tiens, je vais me gêner, ouais. Alors, on va continuer avec un petit clin d'œil à ce qu'on a tous vécu ce week-end. C'était la fête de la musique samedi soir. J'espère que vous en avez bien profité, chers amis. Du côté d'Avignon, il y avait une scène métal assez intéressante et ça m'a permis de voir notamment en concert le groupe Crawling, un groupe de métal d'Avignon qui s'est formé en 2012, qui va sortir un EP bientôt, Sweet Bloody Pie. Ce sera donc à la fin du mois de juillet, mais je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite, un morceau qui plaira aux amateurs de zombies, j'en suis sûr, le titre Walking Dead. ce ciel immaculé règne un soleil éclatant qui nous irradie d'une chaleur pesante. Parfois, on aimerait qu'il pleuve. Qu'il pleuve de l'eau, qu'il pleuve du fiel, qu'il pleuve du sang. Excusez-moi. Enfin bref, on aimerait que ça se rafraîchisse un petit peu, quoi. Hein, que ce ciel immaculé, plein de lumière, se couvre parfois de nuages noirs et que le ciel se couvre. Excusez-moi. Et que donc la terre s'entrouvre et laisse écraser dégager des odeurs méphitiques et que ce soit enfin le retour de Satan. Comme le laissait. Pourquoi je m'énerve ? Ça me fait toujours ça quand j'écoute du trash. Pardonnez-moi, les amis. Toujours est-il que on vient d'écouter Slayer avec le titre Raining Blood, c'est pour ça que je vous disais pourquoi pas qu'il pleuve du sang, pourvu qu'il pleuve quelque chose, parce que cette chaleur ça commence sérieusement à me peser, je sais pas pour vous. Et quoi qu'il soit, donc quoi qu'il en soit, vous pouvez voir, ça me met dans des étapes pas croyables, ça va être comme ça tout l'été. Ça va être amusant l'heure du loup pendant le mois de juillet. Et donc c'était un extrait de l'album sorti en 1986, Rain of Blood. C'était enchaîné juste avant avec un groupe de métal de trash aussi là encore, mais avignonné celui-là, Crawling, avec le titre Walking Dead, qui rappelle un petit peu les zombies qu'on va tous être sous cette chaleur suffocante cet été. Voilà. Slayer, pourquoi je vous parle de ce groupe-là ? Parce qu'il est passé à Nîmes la semaine dernière, mais moi je suis pas allé les voir, je suis pas allé à ce concert à Nîmes, par contre je suis allé à un concert tout aussi intéressant il y a une dizaine de jours à Avignon qui a été organisé un petit peu en catimini. Malheureusement, moi-même j'ai appris l'événement sur Facebook assez quelques jours avant le concert, et donc j'avais relayé l'info sur la page de l'heure du loup que vous pouvez trouver sur Facebook, hein, tout comme celle d'Osmos d'ailleurs. En l'occurrence c'est facebook.com/l'heure du loup tout attaché. Et j'avais vu un très bon concert où j'avais découvert un groupe avignonnais que je ne connaissais pas du tout qui s'appelle Mudbass. Alors Mudbass, hein, c'est marrant parce que quand vous tapez ça dans un moteur de recherche, vous tombez sur des nanas en bikini qui se battent dans la boue, donc c'est pas désagréable de faire une recherche sur ce groupe là mais en l'occurrence on tombe aussi sur un très bon groupe de noise metal avec une influence heavy metal, en l'occurrence oui, ce sont des sons assez lourds, je ne vous le cache pas. Et c'était un concert organisé par l'association Red Rome qui fait monts et merveilles sur du côté d'Avignon. Donc c'était un concert qui était organisé dans un théâtre en l'occurrence, avant que ceci soit envahi par les pièces et les touristes. Et un groupe vraiment intéressant qu'on va suivre en tout cas, et dont je vous propose d'écouter un extrait tout de suite, un morceau qui plaira à tous les vieux cochons qui sont affolés par les jeunes filles qui se promènent dans la rue en short très très court. Un morceau qui plaira à tous ces braves gens, disais-je, avec le titre Smells Like Teen Cunt. Hey! ce déluge sonore tout droit. Non, ça venait pas. C'était pas un enregistrement qui avait été fait en enfer. C'était dans un studio du côté d'Avignon et c'était donc le groupe Mudbass avec le titre Smells Like Teen Cunt. Je sais pas pourquoi, mais allez savoir. Hein, peut-être que c'est un morceau que les filles écoutent avec la main dans leur culotte. Quoi qu'il en soit, on arrive vers la fin de cette émission et pour conclure. Puisqu'on a ouvert avec Joy Division, eh bien, je vous propose, comme d'habitude, de nous quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé, mais de rester dans la continuité de ce qu'on a écouté pour aborder cette playlist ce soir. Vous savez que Joy Division, quand Ian Curtis s'est suicidé, les membres ont fondé le groupe New Order, et quelques années plus tard, ont notamment sorti un méga tube interplanétaire qui s'appelait Blue Monday. Eh bien, je vous propose de nous quitter avec une reprise de ce titre-là par Anna Peel, une petite chanteuse folk anglaise qui a fait une reprise toute mignonne de ce méga tube, Blue Monday. En l'occurrence, on est lundi, donc un lundi bleu, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, en l'occurrence, c'était un lundi sous un ciel bleu, pourvu que ça dure, hein, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous propose de nous quitter avec cette petite demoiselle, Anna Peel, et le titre Blue Monday. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission qui aura un petit arrière-goût tropical. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous donne rendez-vous même fréquence, même heure, la semaine prochaine, lundi prochain. En attendant, on se quitte avec lundi bleu. Bisous et loulous, salut. From the